si c'était pour déjouer la route, même si c'était pour faire un détour dans un bar où le bruit s'amuse à couvrir les mêmes habitudes, les mêmes solitudes. Même si je caresse le ventre brûlant des amours incomplets, des jeux de conquérants. Même si j'oublie qu'il pleuvait sur la ville et que partir, c'est pas guérir. Il y a des années, parfois même des journées qui finissent par te trahir. Il y a des années, parfois même des journées qui finissent par te trahir. Une vie à s'exiler, à se saouler, s'attraper, à s'accrocher, à marcher, à s'arrêter. De fauve et les idées mauves sur le mur jaune.